Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Décision de Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la période du 29 au 22 juin 2014. C'est l'édition anglo et je m'appelle Mathieu Plante. Pendant une heure, donc, on va entendre une bonne partie du top 20 anglophone. On bascule du côté franco, côté anglophone à chaque semaine ici au Palmarès, c'est fou. La semaine passée, on a donc entendu trois nouvelles entrées. Du côté franco, on a aussi appris que notre numéro 1 est descendu en troisième place, Fontarabie avec Forcé ou Quitté. Du côté anglophone, cette semaine, on va savoir d'ici la fin de l'émission, c'est numéro 1 toujours The Stripes, You Can't Judge a Book by Its Cover. Mais on va débuter avec les deux nouvelles entrées. Du côté de la 19e place, c'est Owen Palette avec Song for 5 and 6, mais tout de suite en 20e place, voici Bri Webb et AM Blues. On parlera assez fou sur les 89 FM. Sing about a poetess, hyacinth around her feet, that it will never like a blister on the soul. Oh, the body will heal anyhow. The body gradually transforms, lose its features one by one, until it is as beautiful as the wind before the storm. Do you agree? Do you agree? Mystic smash on the flatbed, boys on the ball, boys on the ball. And war, the stick smash on the flatbed, boys on the ball. Owen Ballard. The stick smash on the flatbed, boys to the town, victorious in war. The stick smash on the flatbed, boys on the ball. L'imprévisible, donc Owen Pallett et Song for 5 and 6, nouvelle entrée en 19e position anglophone. C'est un violoniste canadien de l'Ontario, en fait, qui a fait carrière sous le nom de Final Fantasy et ensuite depuis 2010 sous son propre nom, Owen Pallett. Avant ça, on a entendu Brian Webb, oui, qu'on appelle aussi Bry Webb, avec AM Blues en 20e position anglophone sur l'album Free Will. Lui, c'est un chanteur et auteur-compositeur canadien. C'est le leader, le lead vocalist du groupe indie Constantines. Voilà pour les nouvelles entrées. Donc, on a accueilli, comme je le disais tantôt, trois nouvelles positions du côté francophone la semaine passée et deux du côté anglophone cette semaine, ce qui veut dire cinq pièces qu'on accueille et donc cinq pièces à qui, auxquelles on dit au revoir. Voici Pam, Rest in Peace. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès fous depuis la précédente édition. J'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose. Mais surtout pour le début d'une autre. Il est midi, le monde est tranquille. Je vais aller me coucher. Avec le temps, je ne vais plus pleurer. On oublie les passions et l'on oublie les voix. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. It's a new day, after day. We'll make your way through life.

Pink Mountain Top, c'est Ambulance City. 13e position anglophone, ça monte de 6 places de nouveau la semaine passée. Avant ça, on a entendu Bit Bad Bad Not Good et Can't Leave the Night. On a débuté avec Chromeo et Jealous I Ain't With It, la 15e place de ce côté anglophone. Oh, que c'est un bon bloc, c'est très, très diversifié comme style musical là-dedans. Même chose pour le prochain, en fait. On va entendre plus tard Piff Paff Hangover avec Whatever Works. Mais avant ça, en 12e, ça monte de 4. Voici Pie Pie et New York. Ça, c'est fou. Ce n'est pas mal, c'est fou. Le condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. Le seul endroit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 11. Meet you in a space. Walk it out, skirt, I hate these streets. Like fireworks, nice to finally meet needs. From the down belly, from the beer, puppy eyes, peas, or whatever works. Whatever works. Walk it out, skirt, I hate these streets. Like fireworks, nice to finally meet needs. From the down belly, from the beer, puppy eyes, peas, or whatever works. Whatever works. She's on the same line. Don't be scared about it. Don't be scared about it. I'll meet you in a space of time. She says she ain't. Whatever Works par Piff Paff Hangover, poste numéro 11, anglophone, ça monte de 4. Avant d'entendre Pie Pie, avec New York qui monte de 4 places. On sort par-dessus les 10 et 9. En 10e place, c'est Pascal Picard et Paper Planes. En 9e, Where Are You de Chad Van Galen. J'aime beaucoup ces deux pièces-là, mais malheureusement, on va devoir sauter par-dessus parce qu'elles sont un petit peu plus vieilles que nos suivantes. En fait, je dis ça, puis c'est pas tout à fait vrai. Chad a seulement 4 semaines, on va entendre une pièce qui est depuis 5, mais bon, c'est pas grave. Tantôt, Language Art, c'est Building a Mountain with Our Bare Hands. C'est parce que c'est rare qu'on l'entend de ces temps-ci. Avançons en 8e tout de suite, voici Beef Donut, une pièce qu'elle a depuis 3 semaines. C'est Found Like This. Dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM. Building a Mountain with Our Bare Hands par Language Arts. Ça monte de 5 places en 7e position anglophone. Avant, c'était Beef Donut et Found Like This qui monte, elle, de 6. On saute par-dessus les 6e, 5e et 4e. En 6e, Sleeper Agent et Be Brave. En 5e, Drive-By Truckers et Shit Shots Count. Et en 4e place, c'est Mark Mills avec Triple Fire Sign. Pourquoi est-ce qu'on saute par-dessus tout ça? Parce qu'on doit aller au top 3. Il nous reste une quinzaine de minutes d'émission. C'est ce qu'on fait toutes les semaines. Donc, le numéro 1, je ne vous le dis pas. En 2e place, c'est The Stripes, qui est malheureusement l'ancien numéro 1. Mais avant ça, pour tout débuter ça, stable en 3e, ça ne change pas. Voici Tough Meats et Crust and Crumbs sur C'est Fou. 81 FM. We'll be right back.

le top 3 de Palmarès anglo pour la période du 9 au 22 juin 2014. On entend au début du bloc Tough Meat, c'est Crusts and Crumbs qui est stable en troisième. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1. The Stripes, You Can't Judge a Book by the Cover. Et on vient d'entendre en première place qui monte de 4, Going to Hell, par la formation de Pretty Reckless sur l'album Going to Hell. Voilà pour le palmarès anglophone. On a déjà entendu le palmarès francophone la semaine passée. Ça veut dire que la semaine prochaine, ce sera deux nouveaux palmarès. Donc, soyez à l'écoute pour ça. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On va se quitter avec une pièce qu'on a sautée un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire la position numéro 6 stable, Be Brave par Sleeper Agent, une de mes préférées. Aussi que j'ai la chance de la jouer, je la mets. On se retrouve jeudi prochain en direct entre 14h et 15h. Après nous, c'est Assemblage Requis. On rejoue le samedi avec Assemblage Requis à midi et les Palmarès et Fous à 15h. Restez là pour les précieuses ridicules à 16h. Et finalement, le lundi à 14h, Assemblage Requis, 17h, Palmarès et Fous. Et à 18h, à partir du 30 juin, vous pourrez entendre la nouvelle émission de David Ferron, Les Palmarès du Monde. C'est une émission dérivée, si on veut, des Palmarès et Fous et de brancher le monde. Donc, soyez à partir du 30 juin. Pour l'instant, c'est encore Raconte-moi ta ville. Voilà pour les palmarès, c'est fou. À la semaine prochaine. Puis sinon, ben, Assemblage Requis dans quelques instants pour les autres sorts du jeudi. Bye!